personne. Je dois des comptes à personne. Je pense au tal qu'on gère seul. Je crame un sédatif comme un soldat des contrées persane. Si je fais 5-0, je pète un quart dans des RC de Kem Clown. Le monde empire depuis l'époque des 5 auditeurs SC. Je fais que raccrocher LC. Sous des tisos la merci. Tous les bâtards qu'on berce, je leur dirai jamais merci. Merci maman de m'avoir charté, je serai rien sans toute cette merde. Regarde maintenant tous ces jeunes bourgeois bandent sur ce putain de lifestyle. FM 40 bits bleu. Chaque jour je finis vite bleu. Je fais pas les calas pour le chèque. Je veux les voir canner, je vite bleu. Je suis pas crari la bagarre à 15 ans, je me faisais mêler en bas de chez moi. Péter l'équivalent de la capacité d'un quad. Je tu mélanges gratte à blanc pour les produits du fond qu'on plan. Monte les échelons pas à bas comme la brigade du faucon blanc. Moi de base, j'étais seulement qu'un petit beach boy. Je rouillais comme la vieille carcasse de la bagnole de Beach Boy. On les nique, on va les goumer comme à Stonewall. De goupilles dans les chicots, je balance l'IED, je fais pas de call. Les anges ne pourraient rien pour. Je les ai jamais vus descendre du ciel. Pas une seule fois en 24 ans de vie, pas une. Je suis allé poser avec leurs ennemis, au moins ils avaient l'air pas tendu. Parce que ça fait longtemps qu'ils sont partis. 5000 jours plus tard, je me rappelle quand j'étais mort sur le banc. Pour la Kaya, ces fils de chiens me donnaient pas vraiment les plans. J'avais pas de limite pour ce blé, tu te doutes bien mon grand, je suis blanc. Blanc de blanc comme le ruinard que je bois pas, je trouve ça dégueulasse. J'habite sur le sol du parking, la taille fait à peu près 100 balles. SFN, on canne ces merdes après, on fête sur les cymbales. Regarde maman, c'est ma petite gueule en haut partout sur les écrans. Mon fils en est sorti alors que de base on partait à l'acheter. J'ai un trou dans le torse, donc je roule un bâton qui va pas le combler. Il a donné l'arsenic planqué dans le plat qui la va le combler. La mescaline pour ces putains, le F peut les faire voyager. On accélère le processus pour ces vieux pères en vie. On doit tuer le temps, je vois le breuvage en vrai universel. Les neufs la prennent sur le E qui fait qu'en vrai universel. Tu veux battle, est-ce que t'es vraiment sûr de toi bâtard? Un calibre à gauche et l'autre à droite, on arrose toute la f. Il est si l'être devant toute l'humanité devient illettré. Néo sur FEM pour faire passer le message millimétré. On s'est servi de notre sang au soleil, ça nous a juste fait briller. J'aimais bien quand la vie m'encule, elle a fait de moi sa belle botox. Sors avec le smear du clean guy et 20 gilets dans le bel botox. If 6 mercabot, j'avais pas de quoi se payer une pasta box. On est plus des randos bâtards, cette fois c'est toi qui passe ta log. Même dans la glace, c'est Go S10. Avec ses caves, je coexiste. La note du son, c'est Co F2. Les vals de com, c'est Co F10. Le grand algo petit Aidsoft. De ses refonds dans le flower soft. L'amortisseur n'a pas le ressort. Ce nouveau jouet n'a pas l'air soft. Ce nouveau jouet n'a pas l'air soft. Le plomb qu'il crache est dissipé. Il a des cartouches dans les bottes, celui qu'il manie un peu skisé. Le portique sonne à son passage. Tout le monde sait bien qu'il n'est pas sage. Le matin ravale sa colère, le soir il dégueule toute sa rage. La bouche cousue de Kakiara, le chien t'a débordé à rare. Mais déchassé dans le siphon et les preuves disparaissent aussitôt. Femme aussi ça pour la VO, on intoxique tes alvéoles. C'est moins de 18 le film d'horreur, c'est signé Néo pour la BO.